franceinter.com. L'overdose de la violence. C'est ainsi que le quotidien Libération titra il y a peu un appel signé par le poète mexicain Javier Sicilia, dont le fils a été torturé et assassiné fin mars par les narcotrafiquants et aussi par des policiers corrompus. Une victime de la guerre de la drogue parmi des milliers d'autres. Pour la seule année 2010, plus de 15 000 Mexicains y ont perdu la vie et 5000 ont disparu. Une véritable hécatombe et un cycle de violence que rien ne paraît pouvoir arrêter. Il semble même que la décision du président Calderón de lancer l'armée à l'assaut des cartels de la drogue n'a fait qu'exacerber la violence. Nous allons voir cela dans un instant avec M. X qui, dans un premier entretien, est remonté à l'origine de l'existence du crime organisé au Mexique. Et déjà, il a mis en lumière les racines du mal, c'est-à-dire les liens occultes qui existent entre les narcotrafiquants et le pouvoir politique. La lutte contre les cartels de gangsters qui se sont constitués dès le début du siècle dernier est donc biaisée. Mais comment pourrait-il en être autrement lorsque l'on sait qu'aujourd'hui 90% de la cocaïne consommée aux États-Unis passe par le Mexique, et que cette activité criminelle génère un chiffre d'affaires annuel estimé à 30 milliards d'euros. Cependant, et c'est sans doute la seule note d'espoir, de plus en plus de citoyens mexicains, à l'instar de Javier Sicilia, sont engagés dans un vaste mouvement de protestation. Le 8 mai dernier, à son appel, une gigantesque marche pour la paix et la justice a réuni des femmes et des hommes révoltés. Le début d'une croisade dirigée tout à la fois contre les criminels et la corruption de la classe politique au nom des dizaines de milliers de victimes de cette guerre de la drogue qui mine toute la société mexicaine. En témoignent ces quelques lignes extraites de l'appel du poète. « Vous, messieurs les politiques, et vous, messieurs les criminels, vous avilissez les nations avec vos omissions, vos querelles, vos actes. Car si vous, messieurs les politiques, vous ne gouvernez pas bien et ne prenez pas au sérieux le fait que nous sommes dans un état d'urgence nationale qui nécessite l'unité, et si vous, messieurs les criminels, vous ne tempérez pas vos actions, vous finirez par triompher, mais vous gouvernerez ou vous régnerez sur un tas d'ossements et d'être terrifiés, détruits dans leurs âmes. Un songe qu'aucun de nous ne vous envie. » La suite avec Monsieur X. Oigan todo lo que les tengo que decir. Estoy armado y peligroso, soy puro rock and roll. Si pones la mesa que no sea para dos, porque somos como 14 con un hambre feroz. Si te queda el saco, póntelo pa' bailar, porque te va a dar un resfriado y me vas a contagiar. Agarra el clarinete y yo toco el trombón, y hacemos una banda que no suene a Pink Floyd. Hacemos una banda que no suene a The Strokes. L'histoire des cartels de la drogue mexicaine est une lutte perpétuelle pour le pouvoir. Chacun de ces gangs criminels essayant de rogner sur le territoire du voisin et d'éliminer ses chefs. On assiste donc à une série de restructurations successives, d'alliances provisoires et toujours de guerres sanglantes. Il n'est donc pas toujours facile d'y voir clair. Mais au début de la décennie 90, on peut affirmer qu'il existe trois cartels principaux. Le premier d'entre eux, qui est aussi historiquement le plus ancien, c'est le cartel de Guadalajara. Oui, celui qui est né dans l'état du Sinaloa. Hein. C'est ça. Mmh. Son chef Gallardo et ses lieutenants ont été mis hors jeu à la fin des années 80. Non sans avoir donné auparavant, sous la présidence de Ronald Reagan, un sérieux coup de main à l'administration américaine et à la CIA dans son soutien au contraste nicaraguayen. Oui, un donnant-donnant. Les narcotrafiquants aidaient les contre-révolutionnaires et en contrepartie, les États-Unis fermaient les yeux sur leur livraison de drogue. Inutile d'y revenir. Mais c'est une autre agence américaine, la DEA, chargée de lutter contre le trafic de drogue qui va précipiter la chute des dirigeants du cartel. Ça ne veut pas dire que le cartel est mort ? Ah ben non, un autre chef se lève, Joaquim Guzmán Lara, qu'on appellera El Chapo, un sobriquet qui vient de l'espagnol, chaparro, court sur pattes et capot la tête. Guzmán, qui a aujourd'hui une petite cinquantaine, est devenu une vraie légende. Une sorte d'idole pour le petit peuple mexicain, milliardaire en dollars, 41e personne la plus influente du monde, selon le célèbre classement du magazine Forbes. Il est en principe recherché par toutes les polices du Mexique, mais il n'est pas rare de le voir dans les meilleurs restaurants protégés par ses gardes du corps. Mais vous avez dit qu'il avait quand même été arrêté. Hein. Oui, en 1993. Mais ce prisonnier de luxe, enfermé dans une centrale de haute sécurité, a continué à diriger ses affaires depuis sa cellule. Et un beau jour de 2001, il a pris la file de l'air, sans doute avec la complicité de la police. Et depuis, El Chapo est libre. Tout à fait. Mmh. Et son trafic est florissant. C'est d'autant plus vrai que la chute des cartels colombiens de la drogue au début des années 90 a permis aux gangsters mexicains de prendre la suite. Mmh. Mais il a des ennemis quand même. Ah, pas forcément. Mmh. Ses principaux adversaires sont les quatre frères Arellano, les chefs du cartel de Tijuana. Eux aussi disposent d'une organisation puissante et très bien structurée. Il est de notoriété publique qu'ils ont à leur botte des dizaines de fonctionnaires qui leur permettent de se livrer à leurs affaires en toute tranquillité. Ah, les fonctionnaires corrompus. Bien évidemment. Mmh. Un seul exemple. On a vu des petits avions chargés de drogue colombienne atterrir sans difficulté aucune sur une autoroute dont la circulation routière avait été préalablement bloquée par la police. Enfin, je reviens à ce que je vous disais. La lutte a toujours été féroce entre les deux cartels. Et en 1993, un prélat mexicain y a laissé la vie. Une bavure ? Oui, oui. Les Arellano avaient tendu un guet-apens à Guzmán. Mais c'est la voiture du cardinal Posadas qui a été mitraillée. Un vrai choc dans ce pays très catholique. Le plus étonnant, c'est que l'un des frères Arellano a pu, sans être inquiété, se rendre à l'annonciature pour présenter ses condoléances et expliquer que le cardinal n'était pas visé. Et cela alors même que l'Église, avertie de cette visite, avait demandé son arrestation. Mmh. Les autorités n'ont pas donné suite. Sur ordre du président de la République, Salinas. Oui, un politicien dont vous m'avez déjà dit qu'il était de mèche avec les narcotrafiquants. Ah, une tradition familiale. Son père était contrebandier. En effet. Et le troisième gros cartel, là ? C'est celui de Ciudad Juárez. Ah, ça, c'est la ville frontière mexicaine qui se trouve en face d'El Paso. Hein. Là aussi, ou presque 400 jeunes femmes, je crois, ont été assassinées. Hein. Sans qu'on retrouve leurs assassins. Oui. Ouais, mais voulait-on vraiment les identifier ? Ah, ça, c'est autre chose. Alors, ce cartel, dirigé par Amado Carrillo Fuentes, le seigneur des cieux, comme on le nomme. Seigneur des cieux, à quoi ? À cause des avions qu'il possède ? Bien sûr. Un temps associé au cartel d'El Chapo, Carrillo a préféré prendre son indépendance. Et il a mis en place une structure impressionnante et a même pu organiser des véritables ponts aériens avec la Colombie. Il dispose lui aussi de soutiens occultes. Son principal protecteur dans les années 90 n'est autre que le chef de la police judiciaire fédérale, un homme qu'il a connu en prison. Il a connu en prison, ça veut dire quoi ? Ce fonctionnaire était directeur de la prison où Carrillo a été enfermé quelque temps. Je comprends mieux, là. Et ils ont sympathisé. Il faut le croire, mais une sympathie très intéressée. Carrillo dépensait 5 millions de dollars par mois pour lubrifier ses relations avec la police et les administrations mexicaines nationales et locales. Il a accumulé une fortune considérable. Il s'est même payé le culot de proposer au gouvernement de rembourser sa dette extérieure. C'est extravagant, ça, mais attendez, vous en parlez au passé, là. Il est mort ? Ah oui, oui, oui. Je vais vous raconter dans quelles circonstances. Auparavant, je dois dire que Carrillo, après l'arrestation d'El Chapo, a pu penser qu'il était devenu le plus puissant chef de cartel du pays. D'autant que le président Salinas ayant quitté le pouvoir, les autres cartels ont perdu leur protecteur. En 1995, il a une nouvelle occasion de se réjouir. Un des lieutenants d'El Chapo est à son tour arrêté. Ah, un concurrent de moi. Et pas n'importe lequel, car ce type était promis à faire une belle carrière chez les narcotrafiquants. Mais c'est la personnalité de l'homme responsable de cet exploit qui est intéressante. Un militaire, le général Rebollo, qui devient aussitôt un héros national. C'est si vrai qu'il est vite nommé à la tête de la lutte anti-drogue. Une nomination saluée aux États-Unis par le président Clinton. Rebollo devient donc une sorte de tsar anti-drogue. Avec des résultats mais... Oui, les Mexicains ont alors vraiment le sentiment qu'un homme énergique a pris la situation à bras-le-corps et qui va mettre de l'ordre et chasser les corrompus. Mais ils ne vont pas tarder à se désillusionner. Pourquoi, là ? Carrillo a décidé de le mettre dans son jeu, quitte à payer des sommes énormes. Alors, comment a-t-il procédé, là ? D'une façon très subtile. Le chef du cartel de Ciudad Juárez lui fait d'abord passer des informations sur ses rivaux, et en particulier les frères Arellano. Ah oui, ce qui permet au général Rebollo là, de marquer des points. Bien entendu. Mmh. Et puis, dans un deuxième temps, il fait passer un message au général. Les Arellano veulent vous tuer, mais moi et mes hommes, nous allons vous protéger. Mmh. Et ça marche. Eh oui. Rebollo y perd son âme et son intégrité. Et 100 jours après sa triomphale nomination, le général est démasqué et arrêté à son tour. Mmh, un coup dur pour Carrillo. Et pour lui, c'est le commencement de la fin. Un an plus tard, Carrillo, qui pour la première fois de sa vie est obligé de se cacher, décide de subir une opération de chirurgie esthétique. Et il en meurt. Des suites de l'opération ? Apparemment. Mais quand un personnage de ce calibre disparaît, on nourrit forcément des soupçons. En tout cas, conséquence immédiate, la guerre des cartels reprend de plus belle. Et certains narcotrafiquants se vengent sur les chirurgiens qui ont opéré Carrillo. Parallèlement, on assiste à l'irruption d'un nouveau venu qui va révolutionner le narcotrafic et lui donner son caractère actuel, celui de la violence la plus sanguinaire, sans aucune limite. Rendez-vous avec X. Monsieur X a évoqué la ville frontalière tristement célèbre de Ciudad Juárez. Extrait d'un reportage de Nicolas Boursier paru dans Le Monde en juillet 2009. Du sable et des croix. Tourner la tête dans tous les sens ne sert à rien. Le décor renvoie inlassablement l'image d'un gigantesque champ mortuaire balayé par la poussière et les vents. Des milliers, peut-être plus d'une dizaine de milliers de tombes se dressent là, accolées les unes aux autres dans ce cimetière municipal situé en bordure d'une piste menant à Ciudad Juárez, état de Chihuahua, Mexique. Alentour, une succession de monticules de terre veille sur des fosses béantes. Seules, de petites grappes de musiciens surgies de nulle part, s'ingénient à briser le silence. Serrés les uns contre les autres, comme une chorale d'enfants, ils interprètent des narco-corridos, ces balades populaires dédiées au monde de la drogue, interdites à la radio et à la télévision. Ils chantent l'amour, la mort, la gloire des cartels et les violences quotidiennes devant les familles rassemblées autour d'une dépouille. On se tient par le bras, on pleure. Encore quelques minutes avant de disparaître dans un cortège interminable de voitures et laisser la place à d'autres. 16 enterrements sont attendus en ce samedi printanier. Une journée presque ordinaire pour cette ville, pas comme les autres, dont l'écrivain Fernando Jordán avait dit un jour qu'elle était la terre des hommes barbares. Qui est ce nouveau venu ? Un mot d'abord. Dans la liste des principaux cartels de la drogue, J'ai omis exprès de vous parler du cartel du Golfe. Oui, le cartel implanté du côté atlantique, donc. Dans la zone caraïbe, en effet. Son capot, Juan Abrego, l'homme de tous les excès, avait été mis hors jeu et même extradé aux États-Unis. Et tout le monde pensait qu'il en était fini de ce cartel. Mais à la fin des années 90, un certain Oziel Gardenas se met en tête de le ressusciter. Et c'est lui, votre nouveau venu, là. Oui. Alors, qui est-ce et d'où vient-il ? Oh, c'est un homme atypique qui, contrairement à tous les autres capos, n'est pas issu d'une lignée mafieuse. Il n'est même pas issu de l'État du Sinaloa, dont sont originaires la plupart des chefs de cartel. Non, lui, il s'est hissé dans cette société de criminels à la force du poignet, si j'ose dire. Ouais, peut-être par la force de ses armes. Vous avez probablement raison, car ce type analphabète, qui vient d'un milieu pauvre, est en effet très violent, généralement vindicatif. Il a tendance à en vouloir à la terre entière. Et il écrase sans pitié tous ceux qui lui résistent. Un peu fou, non ? Et peut-être même un peu plus. Mais quand je vous dis qu'il est atypique, c'est surtout parce qu'on dit que ce sauvage se moque bien de respecter les codes en usage chez les autres chefs des narcos. Oui, parce qu'il existait une sorte de code d'honneur ? Eh oui, et ce qui n'empêchait pas ces chefs de se livrer des luttes sanguinaires. Et puis entre nous, le code d'honneur chez les truands, ça m'a toujours fait rigoler. Bon, enfin, je referme la parenthèse. La principale révolution apportée par Oziel, c'est la militarisation du narcotrafic. Et je peux vous le dire tout de suite, c'est un tournant tragique pour le Mexique. Militarisation, vous voulez dire que les membres de la bande vont devenir des soldats ? D'une armée dont Oziel serait le général en chef. Oui, c'est ainsi qu'il voit les choses. Mais pour réaliser son objectif, il doit faire appel à des spécialistes. Et où va-t-il les chercher, alors ? Dans une unité des GAFES, c'est-à-dire les groupes aéroportés des forces spéciales. Des soldats d'élite formés à combattre l'armée zapatiste de libération nationale du sous-commandant Marcos. Oui, au Chiapas. Hein. Des hommes donc spécialistes du combat contre les guérillas. C'est cela. Il s'agit du seul corps d'élite à avoir été formé par la CIA avec l'appui technique du Sagret Maktal israélien, une des principales unités de Tzahal. Mais ces commandos auraient aussi bénéficié des leçons du GIGN français. Ah ben. Ce sont donc des hommes surentraînés, robotisés et obéissants. Des vrais Rambo, en somme. Et l'un d'eux, un expert en explosifs, va mettre Oziel en contact avec une cinquantaine de ses camarades. Ceux-ci, alléchés par l'argent du narcotrafiquant, désertent, sans même prévenir leur hiérarchie. À tel point que le commandement de l'armée a longtemps pensé qu'ils avaient été tués ou enlevés par les hommes de main des cartels. C'est ainsi que sont nés les Zetas, ou Z. Zetas, qu'est-ce que ça signifie, ça ? Zetas, c'est le nom de la base militaire de la ville frontalière de Miguel Alemán, où ces militaires étaient casernés. Il s'agit donc du premier groupe narco-militaire, hein, appelons-les comme ça, de l'histoire mexicaine. Exactement. Et ce commando des Zetas va devenir une sorte d'escadron de la mort au service d'Oziel Cardenas. Comme l'argent coule à flot, ils sont équipés avec les matériels les plus modernes, tant en armes qu'en matériel de transmission ou, par exemple, d'appareils de vision nocturne. C'est une force redoutable. Et formée pour tuer. Et cette création originale, si je puis dire, coïncide avec une soudaine flambée de violence qui ravage presque tous les États mexicains. Et il y a une raison particulière, là ? Plusieurs raisons. Il y a d'abord la mort de Carrillo, qui attise les appétits de ses rivaux. Les frères Arellano, du cartel de Tijuana, semble en particulier saisi d'une véritable folie meurtrière. Et en plus, on voit apparaître d'autres petits cartels qui veulent avoir leur part du gâteau. Ouais, des indépendants. En quelque sorte. Et puis il y a la corruption grandissante qui a gagné toutes les strates de l'administration. Enfin, chacun sent que le PRI, le Parti Révolutionnaire Institutionnel, qui est au pouvoir depuis 70 ans, est usé et déliquescent. Ses chefs vont bientôt devoir lâcher les rênes. Et comme le narcotrafic est étroitement associé au système politique du PRI, si celui-ci est battu dans les urnes en 2000, il s'ensuivra obligatoirement de grands désordres et une redistribution des forces. D'accord, mais d'un autre côté, s'il est mis fin à cette symbiose entre le trafic de drogue et le pouvoir politique, on peut espérer qu'il sera plus facile de lutter contre les narcotrafiquants. Certains ont pu le penser un moment, mais ils vont vite déchanter. Enfin, n'allons pas trop vite. Vicente Fox, candidat du parti de droite, le PAN, Parti d'Action Nationale, est donc élu en juillet 2000 et prend ses fonctions en décembre. Mmh. Il ressemble à un grand cow-boy, hein, si je me souviens bien. Viril et sympathique, avec Stetson, bottes, petits lacets en guise de cravate et moustache. Son premier discours est énergique. En 6 mois, dit-il, toute délinquance organisée aura disparu. Le cartel de Tijuana sera éradiqué et les frères Arellano seront exterminés. Et on comprend que c'est une promesse qu'il a aussi faite aux autorités américaines. D'ailleurs, à Washington, on est prêt à payer une grosse prime pour celui ou ceux qui réaliseront cet objectif. Mmh. Une prime, hein, comme dans les westerns au fond. Hein. Parfaitement. Et Fox passe à l'action ? Oui, des centaines d'agents fédéraux sont mobilisés de part et d'autre de la frontière. Avec quel résultat alors ? Des seconds couteaux sont arrêtés. Mais les frères Arellano passent entre les mailles du filet. Pire, ils répondent à ce discours musclé par une nouvelle flambée de violence. Mmh. Bah, explication selon vous, alors ? Un parti nouveau a remplacé l'autre au sommet du pouvoir. Mais fondamentalement, rien n'a changé. Les structures du vieux PRI sont toujours en place. Et avec elles, alors, les anciennes complicités ? Bien sûr. Et coup dur pour le président Fox, quelques semaines après son investiture, Guzman s'évade. Oui, oula. Vous l'avez raconté la semaine dernière. Et avec la connivence de la police, m'avez-vous dit. Hein. Tout à fait. El Chapo, libéré, retourne à ses affaires. Mais vous m'avez aussi dit que, depuis sa prison, hein, avant son évasion, il continuait à régner sur son empire. C'est exact. Cependant, désormais libre, il peut agir à sa guise. Et il en profite pour consolider la structure de son organisation en rassemblant autour de son cartel plusieurs petites organisations dont les chefs sont, comme lui, tous originaires du Sinaloa. Ouais, ces affaires prospèrent comme jamais, alors. Et vous comprendrez pourquoi dans un instant, mais un peu de patience. Pour autant, il faut tout de même observer que Vicente Fox enregistre quelques succès. Le plus important étant la capture de ce terrible Oziel Cardenas. Ah, comment tombe-t-il, celui-là ? Comme dans toutes les affaires de gangsters, c'est une trahison qui va aboutir à son arrestation. Alors, qui l'a trahi ? Son second, un certain Paquito. Un homme qui connaît toute sa vie et de ses habitudes. Il les connaît si bien qu'il se méfie de son patron. Et il a raison. En effet, Oziel, très superstitieux, a consulté un voyant qui l'a mis en garde. L'un de ses proches, un homme à la peau claire, le trahir. Et ça ressemble à ce Paquito, là. Oui, complètement paranoïaque. Oziel a donc décidé de le supprimer. Et le Paquito, là, le sait ? Ben enfin, il l'a deviné. Et coïncidence heureuse, il tombe dans les mains de la police fédérale avant d'être liquidé par son patron. Ben, il a peut-être donné un coup de pouce au hasard. C'est probable. En tout cas, Paquito, pour se venger, ou peut-être parce qu'il n'a pas le choix, devient un indicateur. Une balance. Et Oziel l'a forcément appris. Et il ordonne le massacre de presque tous les membres de la famille de Paquito. Mais celui-ci, même enfermé, demeure dangereux. Car je vous l'ai dit, il connaît tous les petits secrets d'Oziel. Il sait en particulier comment le narcotrafiquant communique avec les siens en utilisant une multitude de téléphones portables. Et c'est ce qui va le perdre en 2003. En procédant à des écoutes, la police fédérale apprend qu'Oziel va organiser une somptueuse fête pour les 15 ans de sa fille. Et on lui tend un piège. Oui, Oziel est capturé. Mais ce succès va avoir des conséquences effroyables. Pourquoi ces hommes vont essayer de le venger ? Sans doute. Mais surtout son armée personnelle, ces fameux Zetas, qui sont maintenant des centaines, vont désormais être livrés à eux-mêmes. Ils prennent leur indépendance alors. Ils forment un nouveau cartel. Et ces Zetas, qui sont des experts en violence, vont bientôt en fournir une effrayante démonstration. Thank you. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud sur France Inter. La journaliste Babette Stern a livré en mars dernier un ouvrage narco-business qui fourmille de détails inédits et d'informations de première main sur les mafias mexicaines. En témoigne ce récit de la capture d'Oziel Cárdenas lors de la fête qu'il a offerte à sa fille. La fête commence en début d'après-midi. Oziel, souriant et détendu, passe d'un invité à l'autre. Les mariachis jouent, on débouche les bouteilles de vin, de tequila et de bière glacée. La fête est bruyante et joyeuse, en un mot, réussie. Elle dure toute la nuit. À l'aube, Oziel enlève ses chaussures et s'allonge sur son lit sans quitter son pantalon comme à son habitude. Et il s'endort. À 9h57 exactement, un commando de 40 membres des forces spéciales fédérales fait irruption dans la maison. Ils sont accueillis par des tirs et des grenades lancées par la garde rapprochée du capot. Une vingtaine d'hommes lourdement armés. Oziel se lève d'un bond et fuit par la porte arrière, escalade le mur et au milieu des tirs qui fusent de tous côtés, tente de s'enfuir par les toits des maisons voisines. Peine perdue. Tout le quartier est encerclé par l'armée mexicaine. Sur la route de l'aéroport, les Zetas tentent une dernière fois de le libérer, mais les forces militaires sont trop nombreuses et aussi entraînées qu'eux. Formant un nouveau cartel, les Zetas deviennent-ils aussi des narcotrafiquants ? Ah, pas seulement. Ils développent pour leur propre compte des activités annexes. Extorsion, séquestration, enlèvement, transport de migrants, trafic d'armes et d'organes humains. Et ça donne des idées à d'autres individus. À qui alors ? On voit surgir au Mexique, au milieu des années 2000, de nouvelles organisations venues d'Amérique centrale, formées de voyous, de gamins orphelins en perdition, d'ex-militaires ou ex-paramilitaires désœuvrés, jetés dans les rues par milliers à la fin des guerres civiles des années 80-90 et qui ont ravagé ces pays et déstructuré leur société. Par exemple, alors. Les premiers, qu'on appelle les Caïbiles, sont des déserteurs d'une unité d'élite de l'armée guatémaltèque créée en 1975 pour réprimer les insurrections des Indiens. À leur arrivée au Mexique, ils sont aussitôt pris en charge par les Zetas. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi les Maras. Qui sont-ils, ceux-là ? Ce sont des gangs de criminels à l'origine issus des bandes de jeunes des quartiers pauvres du Honduras, du Nicaragua, du Salvador. Souvent, ils ont émigré quelque temps aux États-Unis. Expulsés, ils ont importé chez eux le modèle des gangs nord-américains. Ce sont ces jeunes gangsters tatoués, hein, c'est ça, des pieds à la tête qui ont récemment assassiné un cinéaste français. Christian Poveda, oui, tué au Salvador par ces maras qu'il avait filmé. Ces groupes installés au Mexique ne connaissent aucune limite dans la violence. Bien au contraire, cette violence leur sert à marquer leurs différences. Le modus operandi de leurs assassinats devient une sorte de signature. Ouais. Oui, une manière alors de signaler leur appartenance aux gangs. Toujours plus loin dans l'horreur, oui. Et naturellement, ces bandes ne respectent plus les règles instaurées autrefois par les anciens chefs des cartels. On trouve même parmi ces élateurs de l'extrême violence des illuminés mystiques qui, tels les membres de la familia, affirment avoir une profonde foi en Dieu tout en vendant de la drogue et en assassinant. Un dernier mot à propos de ces fous sanguinaires. Leurs premières victimes sont souvent les migrants, mexicains ou originaires d'Amérique centrale, qui espèrent pouvoir pénétrer aux États-Unis. Mais pourquoi alors ? Parce que ces pauvres gens sont kidnappés, raquettés par ces bandes. Selon des estimations récentes, sur 150 000 clandestins qui tentent le passage, 10 000 d'entre eux ont été kidnappés l'an dernier. Et s'ils ne peuvent payer, là ? Ils sont purement et simplement massacrés. Et on retrouve régulièrement des charniers près de la frontière. Ouais. Le successeur de Fox, là, Calderón, hein, président Calderón, va lui prendre une décision importante. Hein. Il engage l'armée dans la lutte contre les narcotrafiquants. Félix Calderón, qui appartient au même parti politique que Vicente Fox. Ouais, et qui a été élu en 2006. Hein. D'ailleurs, dans des circonstances électorales très, très contestables. Hein. Oui, on a en effet évoqué des fraudes au préjudice du candidat de gauche. Quoi qu'il en soit, pour revenir à ce que vous disiez, oui, il emploie les gros moyens. 50 000 militaires sont mobilisés. En même temps, il essaie de juguler la corruption qui règne dans l'administration fédérale, et particulièrement la police. Mais cette opération d'assainissement connaît très vite ses limites. Mais pour quelle raison ? Mais parce que le pouvoir a peur que les policiers licenciés ne rejoignent les cartels. Ah, donc on préfère garder les ripoux. Malheureusement, oui. Ouais. Mais l'intervention de l'armée donne-t-elle des résultats ? Certains cartels sont démantelés et leurs chefs arrêtés. Toutefois, c'est insuffisant pour mettre un terme à la violence, au contraire même. Parce que les narcotrafiquants répliquent à chacun des coups qui leur sont portés. Et ces actions militaires brutales qui n'épargnent guère la population ne font bien souvent que rehausser la popularité des narcos. Un phénomène presque incontrôlable. Des chanteurs magnifient leurs exploits et on va même en faire prochainement des héros de cinéma. En outre, de toutes parts, on craint cette militarisation du pays. Une crainte légitime ? Oui. Oui, bien sûr, parce que ces opérations de l'armée pourraient aussi servir à cibler les opposants politiques, mais aussi tous les gens indésirables. Et puis il y a les doutes sur la responsabilité de certains massacres. Sont-ils toujours le fait des narcotrafiquants ? Ou bien celui des militaires ? Des militaires qui céderaient aussi un peu trop facilement aux sirènes des chefs de cartel. Oui, en se laissant acheter. Donc finalement, si je vous entends bien, cette mobilisation de l'armée se traduit plutôt par un échec. C'est ce que pensent tous les observateurs lucides ou impartiaux. Mais je vous ai laissé entendre que les dés étaient depuis longtemps pipés. Alors avant de me donner votre explication, là, parlons quand même de l'action des États-Unis. Washington est concerné au premier chef par ce trafic de drogue. Et d'abord parce que les consommateurs sont américains et que le commerce des stupéfiants est générateur de violence à l'intérieur de leurs frontières. Alors, c'est vrai. Les gringos, comme les appellent les Mexicains, ont toujours tenté de se mêler de ces affaires de trafic. Oui, pour l'éradiquer. En principe, oui, si l'on oublie l'épisode des Contras pendant les années Reagan. Donc, à l'automne 2007, les États-Unis lancent ce qu'ils appellent l'initiative Mérida. Ça consiste en quoi ? Mérida a l'ambition de soutenir la guerre que Calderón conduit contre les narcotrafiquants depuis son élection, un an plus tôt. Alors concrètement, c'est un programme de coopération sur 3 ans dont le montant est de 1,4 milliard de dollars. Ouais, c'est énorme, mais Washington a déjà pris des initiatives semblables. Vous voulez parler du plan Colombie. Il y a une différence fondamentale. Aucun militaire états-unien n'est envoyé au Mexique, au moins officiellement. Ouais, pour échapper aux accusations d'ingérence. Oui, dans un pays où les gringos ne sont pas forcément les bienvenus. Donc, les Américains vont surtout contribuer à la guerre de Calderón en lui fournissant une aide matérielle, des équipements et divers matériels de pointe en matière de communication ou de détection. Et ça grogne. Et où alors ? Aussi bien à Mexico qu'à Washington. Au Mexique, malgré les précautions prises, on parle d'atteinte à la souveraineté nationale. Et aux États-Unis, les sénateurs ne sont pas persuadés du bien fondé de cette initiative Mérida. Pourquoi alors ? Parce qu'ils ont des doutes sur la volonté véritable de Calderón de lutter contre les cartels. Aussi demandent-ils plus de transparence et surtout l'assurance que les forces fédérales mexicaines engageront vraiment la guerre contre la drogue. Bref, ces sénateurs américains n'ignorent rien de la corruption qui continue à miner le pays. C'est évident. Par conséquent, Mérida ira longtemps qu'un cas. Mais pour en finir avec l'attitude des États-Unis en cette affaire, il faut aussi souligner un événement troublant qui jette le doute sur la sincérité américaine, ou au moins celle de sa principale agence de renseignement, la CIA. Racontez-le. En septembre 2007. C'est-à-dire au moment où est lancé Mérida. Oui, oui. Donc ce mois-là, un avion transportant 3,5 tonnes de cocaïne colombienne pour le cartel de Sinaloa s'écrase dans la région du Yucatan. L'avion, un Gulfstream 2 de 21 places, était piloté par un très bon commandant de bord mexicain qui a eu la vie sauve. Jusque-là, rien que de très banal. L'avion appartenait à un paramilitaire colombien qui était en affaire avec le cartel de Sinaloa. Oui, l'organisation de l'El Chapo, là. Mais ce qui suit est très intéressant. On apprend que l'appareil immatriculé aux USA aurait été aussi utilisé par la CIA pour des transports de prisonniers vers Guantanamo. Ouais, des vols souvent clandestins. Hein. Ça montrerait donc que les anciennes complicités datant de l'époque des Contras persisteraient. Enfin, désolé, je n'en sais pas plus. Ouais, ça me semble suffisamment éloquent comme ça. Alors, vous aviez promis une explication au sujet de l'impuissance apparente des autorités mexicaines à mettre fin au trafic de drogue et à cette violence qui a pris des proportions effrayantes. J'y viens. Le premier indice provient d'un informateur travaillant pour les services de renseignement mexicains. Cet homme affirme qu'en 2006, sous la présidence de Vicente Fox, la police fédérale a arrêté Joaquim Guzmán. Oui, le fameux El Chapo. Hein. Il a été interpellé sur une route près de la frontière nord du Mexique et des États-Unis. Mais il a été libéré sur ordre du bureau de la présidence. Seconde information, lors de la campagne présidentielle de 2006, le candidat Calderón se serait retrouvé avec des caisses vides. Un de ses conseillers, Genaro García Luna, lui aurait alors trouvé de l'argent très rapidement. Ouais, l'argent des narcotrafiquants. Et particulièrement le cartel de Sinaloa. Oui. Donc El Chapo. À noter que ce conseiller, une fois Calderón élu, a été nommé ministre de la Sécurité publique. Ce serait son âme damnée, un complice dont il ne peut plus se débarrasser. Et il faut observer que c'est ce même García Luna qui a couvert les incohérences du dossier de la Française Florence Cassès et qui a donc empêché sa libération. Comment faut-il interpréter ces informations? Le président Calderón et avant lui Fox lancent une guerre biaisée contre les narcotrafiquants. En réalité, le pouvoir a passé une alliance avec El Chapo pour lutter contre les autres cartels. Enfin, je pense que vous aviez déjà compris. Pour terminer, ce témoignage terrifiant. Je l'ai trouvé dans L'Homme sans tête, un livre de Sergio González Rodríguez, publié en 2009. Ces 20 dernières années au Mexique, les activités des trafiquants de drogue devenant plus visibles qu'auparavant, l'utilisation des corps comme message s'est développée. Avant, ce commerce illégal demeurait silencieux et obscur, mais de nos jours, sa violence a donné naissance à des usages et même à des rites utilisant le sang des victimes. Des femmes à qui on arrache un téton en les mordant ou dont on découpe un bout de peau en forme de triangle. Des cadavres jetés dans une fosse aspergés d'un mélange de chaux et d'acide qui accélère la décomposition. Des gens assassiné d'une balle dans le front, l'oreille ou la bouche, pour désigner respectivement un traître, un témoin indiscret ou un mouchard. Depuis peu, on inscrit sur le front des victimes la lettre Z, Zetas, signature d'une bande de délinquants qui ouvre la trachée du mort pour en faire apparaître la langue et pratiquent ainsi une forme d'exécution appelée cravate colombienne. Il y a aussi le four, qui consiste à dépecer les corps et à jeter les restes dans un récipient rempli de pétrole auquel on met le feu. On peut également fumer le mort après avoir bourré une pipe de cocaïne et de cendres de la victime. Les références de ce livre et aussi celles de l'enquête de Babette Stern sur franceinter.com. À samedi prochain, merci à Rebecca qui a préparé cette émission, à Michel Biou qui l'a réalisée, à Monsieur Djoub qui l'a enchantée. Et tout de suite, après le flash, un grand bol d'air avec CO2 Mon Amour de Denis Chessou.